La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. L'image a fait le tour du monde hier à 15h07 précise lorsqu'elle a été révélée. Elle a depuis été reprise, retweetée, partagée des millions de fois et vous n'avez pas pu la manquer. C'est cette donc première image directe d'un trou noir, celui de la galaxie M87, l'image de ce disque orangé qui se détache sur son fond brillant et qui a été rendu possible grâce à un réseau de télescopes disposés sur quatre continents, un moment historique pour l'astronomie que nous allons commenter dans un instant avec mes invités pour comprendre comment a été réalisée cette image. Et ce qu'elle nous dit des trous noirs, toutes vos questions dès maintenant à mes invités, franceinter.fr et le mot-clé d'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. L'autre actualité scientifique de la semaine, c'est la découverte donc d'une nouvelle espèce humaine. Et oui, Homo lucenensis qui vivait aux Philippines il y a plus de 50 000 ans. On fait la connaissance dans un instant avec ce petit humain de la grotte de Calao. Fanny Bouillon réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier. La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Spécial trou noir donc cet après-midi avec mes invités Frédéric Gutt, astronome, directeur adjoint de l'IRAM, c'est l'Institut de radioastronomie millimétrique et co-signataire des publications sur le fameux trou noir, Vincent Piétu, astronome, chercheur à l'IRAM et également co-signataire des publications, et Alain Riazuelo, astrophysicien au CNRS en poste à l'Institut d'astrophysique de Paris. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Frédéric Gutt. Cette première image du trou noir de la galaxie M87, ça y est, nous l'avons. Elle a fait le tour du monde hier à 15h07. C'est un jour qui va rester dans l'histoire de l'astronomie quand même. Le jour qui va rester, c'est le jour où on a obtenu l'image plutôt que le jour où on l'a diffusée. Ouais. Parce que c'était vraiment une immense satisfaction de voir que les observations avaient fonctionné. C'était quand ce jour-là exactement alors? C'est compliqué, on va probablement raconter ça tout à l'heure dans l'émission, parce que pour obtenir une image comme ça, on passe par toute une série d'étapes. Mmh. Mais l'image telle qu'on l'a vue hier, elle a été obtenue au mois d'octobre l'année dernière. C'est ça, voilà, et on va raconter exactement comment ça s'est passé. Le mystère a été bien gardé, en tout cas, jusqu'à hier, hein. 15h07, Vincent Piétu, elle n'a pas fuité du tout avant cet horaire, hein ? Non, elle n'a pas fuité, ouais. Tout le monde s'est bien tenu. Tout le monde s'est bien tenu, c'est un travail en commun qu'on va décrire avec vous. Plusieurs télescopes sur différents continents, c'est ça aussi la réussite de l'image, hein ? Oui, c'était pas gagné d'avance, c'est une aventure collective, une collaboration vraiment internationale avec plus de 200 personnes dans 57 instituts, des télescopes qui se situent en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, Hawaï et au pôle Sud, qui vont être rejoints par d'autres télescopes par la suite, ouais. Donc vraiment une aventure mondiale. Et qui ont joué de concert donc pour pouvoir justement nous offrir cette image exceptionnelle. Alain Riazuelo, combien d'émissions avons-nous fait ensemble? Et ce jour où nous rêvions peut-être d'avoir la première image directe d'un trou noir, ça y est, nous y sommes. Voilà, hein, voilà. Depuis le temps qu'on en parle. Ça fait au moins 20 ans qu'on en parle. Ouais. Donc 20 ans, c'est long quand même. Ouais. Comment vous avez vécu, vous, ce moment? Oh, c'était un moment un peu magique. Ouais. Un peu seulement? Pas plus qu'un peu magique? C'est bien. Bon, on va en parler ensemble dans un instant avec les messages et les questions des auditeurs, hein, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de questions pour vous, pour en savoir plus, évidemment, à la fois sur la fabrication de l'image et sur les trous noirs en eux-mêmes. Franceinter.fr pour nous rejoindre et les réseaux avec le mot-clé l'attaque. L'album de famille du genre Homo qui s'étoffe une nouvelle fois et c'est aujourd'hui à la une de la science, Axel Villard. Et le petit nouveau s'appelle Homo lucenensis ou homme de Calao, du nom de la grotte où il a été découvert sur la grande île de Luzon aux Philippines. Alors pour l'instant, les seules choses que nous ayons trouvées de lui, ce sont ses dents, un fémur, quelques os de la main et du pied qui appartiennent à trois individus, mais ces restes datés pour les plus vieux à 67 000 ans suffisent à le rendre unique, certainement petit, peut-être même un peu grimpeur. Et pour en parler, et pour faire connaissance avec lui, nous sommes avec son découvreur aujourd'hui, Florent Détroit. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes paléoanthropologue au Musée de l'Homme, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, et vous avez sorti de la terre quelques-unes des dents de l'Homo lucenensis. Alors racontez-nous un peu pour commencer la découverte de ces fossiles. Qu'est-ce qui vous a amené à creuser 3 mètres d'argile dans cette grotte et quand est-ce que ça a commencé? Alors la découverte, la paternité de la découverte, je ne vais pas me la donner à moi-même. C'est avant tout mon collègue Philippin, qui est le deuxième auteur de oui. l'article qu'on publie aujourd'hui, oui. Armand Mirales, qui a eu cette idée d'aller essayer de chercher de la préhistoire ancienne aux Philippines, qui était une idée assez neuve, hein, en fait, pour les Philippines, étonnamment d'ailleurs. Et c'est lui qui, en 2007, a trouvé le tout premier fossile de cette nouvelle espèce, donc qu'on décrit aujourd'hui Homo lusonensis. Ce tout premier fossile, c'était un métatarsien, c'était un os du pied. Oui. Donc découvert en 2007, effectivement, assez profond. Assez vite, on a eu une datation directe, celle qui a indiqué un âge de 67 000 ans. Donc récent, hein, pour la préhistoire, c'est-à-dire contemporain avec notre espèce Homo sapiens. Et quand on a commencé à le décrire, on a identifié des caractères assez curieux. Mais bon, la conclusion de la publication, c'était bon, c'est probablement un petit Homo sapiens, on n'allait pas réinventer l'histoire avec un doigt de pied. Mais ça a été une motivation énorme, hein, pour repartir sur le terrain. Et 2009 d'abord, et c'est surtout 2011-2015 qui ont donné tous les fossiles qu'on décrit en fait dans ce nouvel article. À partir de quel moment vous vous êtes dit, à partir de quel fossile vous vous êtes dit, là on tient vraiment quelque chose de nouveau? Alors on avait déjà une petite idée à partir du métatarsien découvert en 2007. Ouais, mais en 2011... En 2011, quand on a commencé à trouver les nouveaux fossiles, en particulier les dents, toute petite dimension, oui. Ces prémolaires avec ces trois racines, là, un caractère très très archaïque, très primitif. Ensuite, la phalange de pied, une phalange courbe, un caractère qu'on n'avait pas vu dans le genre Homo depuis 2 millions d'années. Là, on commençait à se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette étrange hominine? Mais d'un point de vue purement, j'ai envie de dire formel, quels sont les éléments qu'on s'attend quand on veut valider une nouvelle espèce dans la lignée humaine? Quels sont les éléments d'Homo lusonensis qui ne le classe nulle part? Mais en fait, c'est toute la combinaison des caractères. Ouais. On décrit chaque élément, caractère par caractère, évidemment. À chaque fois, on trouve des similitudes avec une espèce déjà décrite. Mais quand on combine tout, déjà par élément, et ensuite quand on combine l'ensemble des éléments, ben on constate que ça n'existe nulle part. La pratique en paléontologie, quand on a quelque chose comme ça, c'est qu'on dit, voilà, on fait un acte nomenclatural, on décrit une nouvelle espèce avec ses caractéristiques, et puis ça, pour que ça fasse date, en fait, pour que les gens se rappellent qu'il y a quelque chose de nouveau qui a été trouvé à tel endroit. Alors, ça peut susciter d'ailleurs la controverse, le fait de nommer comme ça rapidement, hein, même chez vos confrères, c'est tout à fait discuté pour savoir si réellement il s'agit d'une nouvelle espèce. Qu'est-ce que vous répondez, Florent Détroit? Alors rapidement déjà, on n'a pas été si rapide que ça quand même, parce que de 2011 ouais. à 2019, voilà, il faut du temps, surtout quand on est sur un petit assemblage comme ça, et puis qu'on est en train de décrire des choses vraiment très très particulières. Après, le débat de savoir est-ce que c'est une nouvelle espèce ou pas, ça rejoint le débat de qu'est-ce qu'une espèce. On a tous en tête la définition biologique de l'espèce, qui est pas très... Ça y est, on a démontré qu'elle est pas très opérative, cette définition de... Même pour les organismes vivants, ça marche plus très bien. Hein. On a l'exemple de l'ours polaire et du grizzly, là, où on se rend compte que finalement, c'est un concept humain, hein, l'espèce. La vraie chose qui a existé et qui est importante, c'est l'histoire évolutive. C'est ça qu'il faut essayer de reconstruire. L'espèce, ce n'est qu'une commodité pour arriver à reconstruire cette histoire évolutive. Donc on pourrait en parler pendant des heures. Mais Florent Détroit, vous l'avez dit même tout à l'heure, quand même, l'élément le plus intriguant dans tout ça, c'est la forme de ces os de pied que vous avez trouvé. Et vous le dites même dans une interview, il devait marcher très bizarrement. Alors est-ce qu'on peut essayer d'imaginer un peu plus loin à quoi il ressemblait, même si on a très peu de fossiles? Alors on a très peu de fossiles, mais c'est vrai que les os des pieds, en particulier ce premier métatarsien qu'on avait publié en 2010, et cette nouvelle phalange de pied qu'on décrit, mais leur morphologie, leur forme, leur caractère, ça ne se trouve que chez Australopithecus. Oui. Donc il y a 2 à 3 millions d'années en Afrique, tous ces caractères sont interprétés depuis très longtemps comme l'évidence que ces Australopithèques avaient un mode locomoteur mixte, bipède au sol et grimpé dans les arbres. Tout à coup, le genre Homo est bipède strict depuis 2 millions d'années. Et tout à coup, il y a 50 000 ans aux Philippines, on retrouve ces caractères. Donc on passe de 3 millions d'années à 50 000 ans. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment stupéfiant. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est que certains caractères, pas les mêmes, hein, mais des ressemblances avaient été décrites également chez Homo floresiensis, d'où cette hypothèse qui pourrait peut-être descendre directement d'Australopithecus, ce qui paraît fort peu vraisemblable par rapport à ce qu'on connaît du registre fossile asiatique. On ne connaît aucun Australopithèque en Asie. Mais alors, il faut expliquer la présence de ces caractères et surtout essayer de comprendre si ça avait un effet sur la biomécanique et donc comment ils marchaient. Ouais. Et potentiellement, est-ce qu'il grimpait un peu dans l'arbre? On ne peut pas éviter la question. Mais à part ce retour à un mode de vie, on va dire partiellement arboricole, qu'est-ce qui pourrait d'autre expliquer la forme de ses pieds alors? Enfin, de ses petits os de pieds. D'une manière générale, on a quand même là ce qu'on voit, ça doit être beaucoup dû aux effets de l'endémisme insulaire. L'endémisme insulaire, c'est quand une espèce ou une population qui vit sur le continent, certains individus passent sur une île, il y a un effet fondateur, c'est-à-dire qu'une petite partie des individus arrive à passer, ça ne représente donc qu'une petite partie, une petite portion de la variabilité de la population d'origine. Puis après, il y a une grosse endogamie, ce qui provoque des dérives génétiques très rapides et en général s'exprimant sous la forme de morphologie qui évolue très vite et très différemment des espèces sœurs qui sont restées sur le continent. Et on connaît plein d'exemples chez les mammifères, les éléphants endémiques des îles de Méditerranée par exemple. Et très souvent, ça peut donner des caractères bizarres et qui très souvent ressemblent à des caractères primitifs, en particulier au niveau des extrémités. Alors, ça peut être quelque chose de cet ordre, mais après, il faut comprendre si l'effet est l'utilisation ou non de ces caractères. Alors cette île de Lousson, est-ce qu'on sait à quoi est-ce qu'elle ressemblait au moment où ce petit homme vivait? Est-ce qu'on connaît les espèces animales qui l'accompagnaient? Alors les espèces animales, d'après ce qu'on a découvert dans les mêmes niveaux, ce sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. Ont été découverts dans les rongeurs, des espèces de rongeurs disparues aujourd'hui, totalement endémiques, elles aussi, qui n'existent nulle part ailleurs. On a le petit cervidé des Philippines, on a un petit cochon des Philippines. Des bovidés, tout ça existe plus ou moins encore aujourd'hui et caractérise la faune endémique de Lousson, c'est-à-dire qu'on ne les trouve que à cet endroit-là, ces animaux-là. Au niveau de l'environnement, on doit être dans quelque chose qui ressemblait beaucoup à ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire une forêt tropicale pas complètement fermée, un peu ouverte, pas la plein cœur de forêt tropicale. Vous allez continuer à la fouiller, cette grotte qui est très grande et qui est très touristique d'ailleurs, pour essayer de trouver peut-être plus de morceaux, un crâne. On va essayer de croiser les doigts avec vous. Alors. De l'ADN. Alors pourquoi oui, de pas l'ADN. Alors de l'ADN, j'allais dire qu'on n'aurait pas forcément besoin de retrouver de nouveaux fossiles, puisqu'on a essayé. On nous a demandé d'ailleurs de l'indiquer dans le corps de l'article qu'on avait fait et que ça n'avait pas marché. À tel point tout le monde attend ça. C'était pas très très étonnant que ça n'ait pas fonctionné parce que là on est en conditions tropicales, c'est chaud, c'est humide, les pires conditions. Dégradation très rapide. Voilà, dégradation de l'ADN. Mais j'ai aucun doute sur le fait que dans 2 ans, 5 ans, ça marchera. Est-ce que vous continuez à fouiller? Bien sûr. C'est un peu le. Ouais. Là on avait tout mis en pause le temps de publier. Mais retourner sur le terrain. D'ailleurs, mon collègue Philippin, au moment où on a appris la date de publication, il avait organisé tout son terrain sur une autre île, et il s'est retrouvé à faire toute la communication, tout ça, depuis le terrain. Mais évidemment, oui, c'est essentiel, retourner sur le terrain pour essayer de trouver à Calao, mais dans d'autres îles des Philippines, des hominines fossiles. D'ailleurs, je disais, oui, la grotte est très visitée, même par les Philippins qui sont en vacances. Comment la découverte a été accueillie là-bas? Est-ce qu'on vous parle de ce petit homme? Est-ce qu'on vous pose des questions? Alors, déjà en 2010, après la publication de notre petit doigt de pied, là, c'était devenu, l'homme de Calao était devenu une star. On avait même eu les planches de bois installées pour se faire photographier en homme préhistorique et tout ça. Enfin, il y a tout un... Parce qu'effectivement, c'est un site très très touristique pour parce que c'est une grotte majestueuse qui est magnifique. Il y a 7 chambres successives, certaines sont complètement effondrées. C'est un site touristique bien avant l'archéologie et il y a eu un regain manifeste. Et alors là, je pense que très clairement, ils vont remettre l'accent là-dessus. Et puis c'est un gage de bonne préservation du site aussi. Bon, j'espère qu'ils vont afficher la une de Nature aussi à l'entrée de la grotte. Ce serait formidable pour vous, puisqu'elle sort aujourd'hui. Ouais. Cette une. Exactement. C'est formidable quand même dans une vie de chercheur d'avoir sa une dans Nature, non? C'est assez unique, effectivement. Ça a fait un petit quelque chose, oui, un gros quelque chose même. J'imagine. Voilà, Florent Détroit, vous faites l'actualité également cette semaine avec vos confrères. Vous l'avez cité, votre confrère, entre autres, des Philippines. Et félicitations à vous pour la découverte donc de cette nouvelle espèce. Merci beaucoup d'être venu. Aujourd'hui, les grosses unes s'entrechoquent, puisqu'on va parler de trous noirs dans un instant avec cette image que nous avons tous vue hier à 15h07 précise. Look. mais seguro. Às vezes sou um pouco atravessado. A minha voz urgente te dizendo, que eu já não tenho tanto tempo assim. E o que sobrou do tempo pra mim? Eu penso em você. Acalmo o passo, adapto-me ao nosso andamento. Meu corpo me encontra no espaço. Procuro aproveitar esse momento. Estou no seu apartamento. Os fatos se alinham no acaso. Os astros têm lugar no firmamento. Eu penso em você. Saulo Duarte avec Flor de Sono. Ce soir, mes amis, l'espace s'enorgueillira d'une fabuleuse première de l'exploration, là où l'humain n'a eu l'audace d'aller. Le trou noir, dedans, à travers et au-delà. La tête au carré. Voilà, extrait de Walt Disney, Le Trou Noir, en 1979, de Gary Nelson, pour évidemment évoquer cette première image historique et directe donc d'un trou noir. Le 10 avril vraiment va rester comme une journée tout à fait particulière pour l'astronomie, avec cette image qui a dévoilé l'ombre d'un trou noir supermassif situé au cœur de cette galaxie M87. Pour en parler, répondre à toutes vos questions, déjà très nombreuses, qui arrivent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque, les astronomes de l'IRAM, l'Institut de radioastronomie millimétrique, Frédéric Gutt et Vincent Piétu, et puis avec l'astrophysicien Alain Riazuelo. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre donc avec toutes vos questions. Profitez-en, on va retourner à Bruxelles hier à 15h. C'était au moment de la conférence de presse sur plusieurs lieux de la planète. D'ailleurs, avait lieu en même temps la révélation de cette image. On va entendre l'astrophysicien Aino Falke. We are looking into space, towards a galaxy, a giant galaxy, 500 billion, billion kilometers away from us. I never believed that this black hole was as big as people said until we saw that. This is the nucleus of the galaxy M87, and this is the first ever image of a black hole. C'est la première image d'un trou noir. Et voilà, c'était donc hier à 15h07, Aino Falke qui annonçait donc à Bruxelles la première image directe d'un trou noir. Vous étiez sur place, Frédéric Gutt et Vincent Piétu. Quelle ambiance hier avec vos confrères scientifiques et les journalistes qui venaient découvrir en même temps que la planète l'image, Frédéric Gutt? Une excitation, évidemment. Matinée d'une dose d'improvisation parce que il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de d'activités, beaucoup d'imprévus aussi, mais l'ambiance était extrêmement positive évidemment, ouais, puisque tout le monde était très heureux de voir montrer cette image. Ouais, Vincent Piétu, à quoi vous avez pensé vous hier vraiment quand cette image enfin a été révélée, c'est à toutes ces années de travail qui ont précédé? Oui, oui, c'est un petit peu l'aboutissement d'un travail qui est non seulement des 2 années qui ont eu lieu entre les observations et la publication de l'image, mais aussi tout ce qui a précédé, parce que c'est pas venu comme ça d'un seul coup. C'est des techniques qui ont été développées dans les 20 dernières années ou même avant. Donc c'est vraiment et un travail collectif. C'est toujours satisfaisant de voir ce résultat apparaître enfin et de pouvoir le partager, d'avoir enfin le droit de partager. Ouais. Et c'est ça, parce que le public était très heureux aussi, Alain Riadovello. Hein. C'est ça qui est étonnant. Qu'est-ce qui se passe autour de cet objet trou noir pour susciter autant d'attentes, de passion? Alors déjà, les gens ont applaudi, on l'a entendu. C'est rare que même quand on annonce un résultat scientifique majeur, la première réaction, ça soit des applaudissements. Ouais. Il y a eu la même chose pour les ondes gravitationnelles, quand même. Oui, absolument. Il y a eu la même ambiance, encore à peu près. Pour les trous noirs, oui, parce que c'est un objet un peu magique. Ouais. Mais pourquoi, en réalité? Parce qu'il est mystérieux? Parce qu'il pose plein de questions à la science? Il a un nom qui est très évocateur. Ouais. Si je vous parle de nébuleuse planétaire, vous savez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est un système planétaire en formation, mais pas du tout. Mmh. Alors qu'un trou noir, on comprend tout de suite ce que c'est, ou on devine tout de suite ce que c'est. Mmh. Et puis c'est un côté un peu inquiétant aussi. Ouais. Donc, et puis alors là, Frédéric Gut, l'image rejoint vraiment ce qu'on a pu en imaginer finalement. C'est que ça colle bien aussi. Oui, alors je voulais juste rajouter quelque chose sur ce que Alain a dit. En fait, je pense que les trous noirs, il y a peu d'objets scientifiques comme ça qui sont en même temps aussi complexes et le sujet d'une attention poussée des scientifiques et qui en même temps ont une renommée dans le grand public aussi forte. C'est un mot un peu magique que tout le monde connaît. Pour lequel tout le monde s'imagine quelque chose, probablement des choses fausses ici ou là, mais ça rentre en résonance avec le grand public de manière extrêmement forte. Donc on a bien vu ça hier sur les réseaux sociaux ou dans les différents médias, qu'il y a eu une reprise énorme. Ah oui. C'était impressionnant. J'ai presque le mot émotionnel qui me vient à l'esprit. Je sais pas, c'est peut-être un peu trop fort, mais c'était. Ouais. C'était impressionnant de voir cette image qui se succédait sur les comptes d'absolument tout le monde sur la planète. Il y a le visage d'ailleurs d'une jeune femme qui s'appelle Cathy Bouman, qui a fait elle aussi le tour du monde sur Twitter, Vincent Piétu, et qui aurait joué un rôle central dans l'algorithme qui a permis de combiner les pièces du puzzle en une seule image, celle donc qui a été dévoilée hier. Est-ce que vous aviez connaissance de ce nom, de Cathy Bouman? Alors, j'avais déjà vu passer le nom. Alors, la collaboration, c'est une énorme collaboration. Hein. On parle de plus de 200 personnes réparties sur tous les continents. Donc, je suis pas sûr que tous les gens se connaissent dans la collaboration. Après, oui, c'est quelqu'un qui a travaillé sur une des 4 méthodes qu'on a utilisées pour faire l'image. Donc, cette méthode en elle-même donne pas une image meilleure que les autres. Ouais. Mais elle a permis de développer cette méthode qui a permis de faire une des images. Et les 4 images étant semblables, on avait une certitude relativement élevée que ce qu'on observait était correct. Frédéric Gut, pourquoi on ne parle pas de photo alors? Pourquoi on précise vraiment ce terme d'image? Ah, ça tient à la manière dont elle a été obtenue. Quand on utilise le mot photo, on pense instinctivement à un appareil photo ou à un instrument sur lequel on appuie et paf, il y a une photo ou une image qui se forme. Alors que là, c'est des techniques d'observation qui sont beaucoup plus complexes. En fait, on reconstruit une image a posteriori en combinant les observations d'une petite dizaine d'observatoires qui sont répartis partout sur la planète, comme on a déjà dit. Oui. Et donc le terme image, à titre personnel, je le trouve un peu plus approprié. Oui, absolument. On va décrire d'ailleurs une autre image, celle de Jean-Pierre Luminet en 1979, Alain Riadovello, hein, qui avait, lui, sur un papier canson, dessiné déjà l'image d'un trou noir. Et on il avait calculé, je ne sais pas après comment... comment il avait produit l'image qu'on a vue, mais c'était des calculs et pas une artiste. Et il y a une similitude assez étonnante avec celle qu'on a vue hier. On va décrire bien sûr cette image ensemble dans un instant parce qu'elle est importante. Je crois que tout le monde l'a en tête maintenant. Il suffit de taper sur tous les moteurs de recherche trou noir pour la voir évidemment. Il y a Hervé qui nous envoie ce message. Il nous dit l'annonce de la conférence de presse justement de l'ESO hier précisait « groundbreaking result ». Est-ce que au contraire cette observation ne vient pas encore conforter la déjà très solide théorie de la relativité générale? Et non pas remettre en cause les fondamentaux, justement. Alain Riadovello, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, c'est intéressant, ouais. Je pense que la théorie d'Einstein, ça fait longtemps qu'elle est établie avec une très grande certitude, voire au-delà de tout doute raisonnable depuis la détection des ondes gravitationnelles. Ce qui intéresse maintenant les astrophysiciens, c'est plus de prouver que les trous noirs existent, c'est de déterminer comment ils interagissent avec leur environnement. Et ce n'est qu'à partir de maintenant que, par l'imagerie, on peut le faire. On pouvait le faire par d'autres moyens avant, mais maintenant on peut en plus le faire par l'imagerie. Frédéric Gut, justement, c'est important quand même de l'avoir cette image. Ah, je pense, bien entendu. Personne dans la communauté scientifique ne doutait de l'existence des trous noirs. On avait toute une série d'indications, mais des indications indirectes. Par exemple, les les jets de matière extrêmement puissants qu'on observe, qui s'échappent de toute une série de galaxies, ça montre directement la présence d'un objet extrêmement massif, avec extrêmement énergétique en son centre, ou les résultats assez spectaculaires qui ont été obtenus l'année dernière avec l'instrument Gravity sur les grands télescopes optiques européens au Chili, où on voit le mouvement d'étoiles autour du trou noir qui est dans le centre de notre galaxie. Mouvement d'étoiles tellement rapide qu'on peut calculer la masse centrale et on obtient des masses de millions de masses solaires qui ne peuvent que s'expliquer par un trou noir. Mais une fois que j'ai dit ça, évidemment, avoir une image, ça permet de franchir une étape. D'abord, il y a un côté visuel qui est quand même extrêmement fort. On en a déjà un peu parlé, d'accord, le fait de le voir. Les astronomes et puis tout le monde, hein, un peu, on préfère voir les choses directement plutôt qu'à d'avoir une évidence indirecte. Et puis ça permet après maintenant de mesurer des paramètres physiques du trou noir. La taille de ce qu'on appelle l'horizon, d'essayer de contraindre la matière qui est juste juste autour du trou noir. Tout ça, c'est des informations scientifiques extrêmement importantes. Vincent Piétu, il y a cette question de Christelle qui a 14 ans qui nous dit justement ce trou noir de la galaxie M87 est supermassif. De combien de masse solaire par rapport à celle du centre de notre galaxie? Alors il y a plein de questions sur sa carte d'identité, hein, on pourrait exprimer. Alors il est environ 1000 fois plus massif que celui qui est au centre de notre galaxie. 1500 même. Oui. Celui-là fait 6,5 milliards de masse solaire et celui au centre de notre galaxie fait 4 millions de masse solaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement ces chiffres? Si on veut se les représenter réellement, alors... pour essayer d'avoir une sorte de perception un peu plus juste de cet objet trou noir, Frédéric Guth. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent? Parce que c'est très impressionnant comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement alors en masse? Alors c'est évidemment extrêmement compliqué. On est en train de parler de masses qui sont tellement élevées que ça nous dépasse complètement. Essayer d'avoir une représentation à notre échelle humaine, c'est quasiment impossible. Alors quand même, on peut dire que le trou noir de M87... sa taille, parce que j'imagine que d'autres personnes s'interrogent sur sa taille, c'est typiquement deux fois la taille du système solaire. Du système solaire. Enfin, au sens, le cortège planétaire du système solaire. Et dans ces deux systèmes solaires, on va placer 6,5 milliards de soleils. Donc ça fait beaucoup, d'accord. Je ne sais pas si ça permet de se le représenter un peu mieux, mais on est vraiment en train de parler de masse considérable. Ouais. Jean nous dit, puisque cette photo vient d'une autre galaxie, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de trou noir dans la Voie lactée? Alors vous avez déjà répondu à la question tout à l'heure, mais on peut la préciser effectivement, parce qu'il y avait quand même ce trou noir de notre Voie lactée qui était candidat aussi à l'image, non? Alors exactement, le HT, donc le Event Horizon Telescope, a été créé avec deux cibles en tête. Donc le trou noir au centre de la galaxie M87 et le trou noir qu'on appelle Sagittarius A star qui est au centre de notre galaxie. Ça c'est le nôtre. Hein, ouais. Ça c'est le nôtre. Alors comme Frédéric vient de le rappeler, le trou noir au centre de notre galaxie était déjà beaucoup étudié et des équipes, des collègues ont pu faire avec Gravity mesurer un décalage gravitationnel vers le rouge. On n'a pas de doute non plus qu'il y a un trou noir au centre de notre galaxie. Il est plus dur à observer parce qu'il est plus petit, donc plus variable. Donc là où on a observé 4 nuits d'observation sur M87, donc sur une dizaine de jours, et où les 4 images faites à quelques jours d'intervalle sont compatibles les unes avec les autres, la variabilité, donc c'est-à-dire les variations temporelles de l'émission autour du trou noir de notre galaxie, est beaucoup plus rapide. Et donc on essaye de faire une image longue pause de quelque chose qui bouge, et c'est bien sûr plus complexe. Ouais. Sans compter que la ligne de visée pour aller au centre de notre galaxie est un peu moins dégagée que pour aller à M87. Ouais. Alain Riazzolo, qu'est-ce qui les distingue vraiment, alors ces deux trous noirs entre notre Sagittarius et M87? Alors toutes les galaxies hébergent en leur centre un trou noir géant, et en général, la masse de ce trou noir est corrélée à la masse de la galaxie. Et il se trouve que dans notre voisinage galactique, il y a une galaxie gigantesque qui s'appelle M87, et qui héberge donc un trou noir gigantesque. Et donc finalement, on a de la chance de pouvoir voir, en plus du trou noir de notre galaxie, celui de cette autre galaxie que le hasard a bien voulu placer suffisamment proche de nous. Que bien que le trou noir de cette galaxie soit 2000 fois plus loin, ce qu'on perd en distance, on le gagne ou on le compense par une taille à peu près 1500 fois plus grande. Ouais, Frédéric Guth, donc on avait ces deux candidats possibles pour l'image, hein, c'est ça? Oui, voilà, c'est les deux candidats qui avaient été identifiés parce que ils ont vu depuis la Terre à peu près la même taille angulaire, donc la même taille dans le ciel. Celui de notre galaxie est beaucoup plus proche, mais il est beaucoup plus petit, donc ça se compense. Ouais. Celui de M87, bon, c'est le contraire. Alors, Alain vient de dire que c'était dans notre, je ne sais plus le terme qu'il a utilisé, entourage. Notre voisinage galaxique. Notre voisinage, voilà. Donc effectivement, à l'échelle de l'univers, on est en train de parler d'une galaxie qui est très proche de nous, qui se trouve quand même à 50 millions d'années-lumière. Donc là, c'est la distance parcourue par la lumière en 50 millions d'années, à raison de 300 000 km par seconde. Donc ça reste considérable, mais à l'échelle de l'univers, c'est très petit. Ouais. Si je me trompe pas, la semaine dernière, vous aviez une invitée qui a parlé des grandes structures. Hélène Courtois, les amas de galaxies. Ouais. Les amas de galaxies. On est dans la partie la plus interne des amas de galaxies qui ont été mis en évidence. Vraiment dans c'est à côté. Ouais. C'est vrai. Alain Riad Vélo, toutes les galaxies donc ont en leur centre un trou noir massif. C'est une règle absolue ou pas? Alors, absolu, non, parce qu'on n'a pas encore bien compris la genèse de ces trous noirs géants, leur symbiose avec la galaxie, mais à peu près chaque fois qu'on en a trouvé un et qu'on a pu déterminer sa masse, on a constaté que la masse du trou noir était fortement corrélée avec la masse de la région centrale de la galaxie. Donc, il y a un phénomène universel qui n'est pas encore bien compris, qu'on va peut-être pas mieux comprendre grâce à cette observation, puisque cette observation nous montre ce trou noir maintenant et nous montre pas son histoire passée. Mais en tout cas, il semble avéré que ces trous noirs géants sont partout. Vincent Piétu, cette question de Guy qui est impatient et qui vous demande quand est-ce qu'on peut espérer avoir des images de notre trou noir. Donc Sagittarius, il a été dit hier à la conférence de presse qu'il était beaucoup plus turbulent que M87 et donc plus difficile à imager. Oui, c'était un peu ce que j'expliquais précédemment, c'est que on essaye de faire une image et avec quelque chose qui bouge, donc c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Mais alors, est-ce qu'on a un espoir de Alors oui, d'avoir il y a des espoirs. Ouais. On a depuis 2017, donc il y a des nouvelles stations qui rentrent, qui ont rejoint le télescope. L'année prochaine, un autre télescope de l'IRAM, NOEMA, qui se trouve sur le plateau de Bure, va aussi amener des nouvelles lignes de base, de la sensibilité, qui permettront de faire de l'imagerie dans un temps plus réduit, avec des meilleures caractéristiques qui permettraient de, on l'espère, de résoudre ce problème. Allez, on va revenir évidemment sur les détails de l'image, sur la façon dont elle a été réalisée. Je voudrais juste qu'on entende un extrait de ce documentaire de 1993, une brève histoire du temps autour de Stephen Hawking, parce que évidemment, on pense aussi beaucoup à lui à l'occasion de la révélation de cette image. Lorsqu'une étoile massive se contracte, sa gravité devient si forte que la lumière ne peut plus s'en échapper. Cette région d'où rien ne peut s'échapper, c'est le trou noir. Et sa frontière s'appelle l'horizon des événements. On pourrait dire de cet horizon des événements ce que dans ta vie de l'entrée de l'enfer. Laissez toute espérance, vous qui entrez. Nous avons la preuve qu'il existe un immense trou noir au centre de notre galaxie. Voilà Stephen Hawking dans ce documentaire, une brève histoire du temps. Alain Riadolo, quel est l'apport justement de Stephen Hawking autour des trous noirs, dans cette grande histoire justement autour de cet objet? Alors l'apport, ça a été que jusqu'aux années 60, en fait, on avait la théorie qui décrivait les trous noirs, mais on comprenait ni bien la théorie, donc la relativité générale, ni ce qu'étaient les trous noirs. Et dans les années 60-70, il y a eu un effort collectif dont Stephen Hawking a été un des grands architectes, qui a clarifié tout ça et qui a surtout montré que la formation des trous noirs semblait relativement inéluctable. C'est-à-dire, quelles que soient les lois de la gravitation qu'on considère, même si les lois de la gravitation sont différentes de celles que l'on utilise aujourd'hui, tout porte à croire que une théorie différente permettra aussi de former des trous noirs, essentiellement parce que pour que ça ne soit pas le cas, pour que ça ne soit pas possible, il faudrait fabriquer une théorie tellement compliquée qu'elle permettrait d'engendrer des objets encore plus bizarres que les trous noirs. Donc la réticence qu'on pouvait avoir, comme quoi les trous noirs sont des objets trop bizarres pour exister, en fait, Stephen Hawking a dit que c'était le contraire. C'était le minimum syndical qu'on était obligé d'accepter. Ouais. Frédéric Huth, il n'aura pas vu cette image, hein, Stephen Hawking, parce qu'il aurait été certainement évidemment très très heureux, comme tout le monde, de la découvrir enfin. Ah, j'imagine, je peux que imaginer, effectivement. À partir de quand on a été sûr que les trous noirs existaient, là, véritablement? Est-ce qu'il y a un point d'histoire, Alain Riazuelo, qui... Alors, à la fin des années 70, quand on a envoyé des télescopes dans l'espace qui étaient sensibles aux rayons X, puisque les rayons X sont filtrés par l'atmosphère, donc on doit aller dans l'espace, on a trouvé une source de rayons X dans notre propre galaxie, qui s'appelait Sinus X1. C'est un nom un peu magique aussi, qui est resté, et qu'on a identifié avec une très forte probabilité comme étant un trou noir en train de vampiriser une étoile compagnon qui n'était pas encore morte, alors que ce trou noir était son ancienne étoile compagne. Et à partir de ce moment-là, alors on parlait de candidats trou noir, et puis les historiens ont sans doute commencé à faire ce travail, on est passé peu à peu du candidat trou noir au mot trou noir tout court. Donc les changements de paradigme sont progressifs en science, c'est toujours difficile de savoir. Chaque individu va basculer à un moment donné, mais la communauté ne bascule pas de façon massive et au même moment. Ouais, absolument. Mais je dirais début des années 90, la présence des trous noirs géants dans les galaxies, ça a été le point au-delà duquel on devenait de mauvaise foi à dire qu'on n'était pas sûr. Absolument. Alors des questions, il y en a beaucoup concernant cette première image émouvante, nous dit un auditeur sur Twitter. Cette image est-elle dans le visible, en vraie couleur? Quelle est la dimension de l'anneau? Quelle est la densité, la nature, la température de la matière? Beaucoup de questions pour vous dans un instant. On fait une petite pause et bien sûr, on y revient dans un instant avec la description de cette image. Vous vous intéressez au trou noir? Comment ne pas être fasciné par la force la plus inexorable de l'univers? Ces longs tunnels obscurs vers nulle part. Ou quelque part. Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps. Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est du cinéma. C'est comme la lune et le soleil qui ferait un combat. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est un opéra. Je sais pas à quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes bras. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est du cinéma. C'est comme la lune et le soleil qui ferait un combat. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est un opéra. Je sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Je sais pas pourquoi mettre le réveil quand je rêve de toi. Je sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Les étoiles et le ciel qui jouerait en bas. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est un opéra. Je sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps. Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps. Et c'était Johann Papa Constantino. La tête au carré. Mathieu Vidard. Bon, je descends en piqué. J'approche de l'horizon des événements. Sur bâbord, je plonge dessous pour le traverser. Je vais droit, non ? Le noir. Le noir complet. Obscurité complète. Les écrans. J'ai des interférences. Je perds le contrôle de la direction, je reçois des éclairs. Des jets de luminosité et d'obscurité. Turbulence dans la gravité. Augmente. C'est la force gravitationnelle, je perds le contrôle de la direction. Voilà, grâce à Interstellar, on a pu descendre dans le trou noir en 2014, Alain Riazzuelo. Vous qui avez fait un film aussi, Voyage au cœur d'un trou noir, dont on a parlé il y a déjà un petit moment, dans La tête au carré, qui est toujours visible d'ailleurs sur YouTube, oui, en accès libre. Cette vision des choses-là, elle est complètement fausse. Alors, il y avait une sorte de conflit entre Chris Nolan, qui était le réalisateur, qui savait à quel public il s'adressait, et Kip Thorne, qui était le producteur exécutif et qui était le scientifique qui avait porté le projet. Et bon, ils ont dû trouver un compromis qui, je pense, a plus penché du côté du réalisateur que du scientifique. Mais qu'arriverait-il si nous nous approchions vraiment de ce trou noir M87? Alors, les trous noirs petits, en fait, sont très dangereux avant même qu'on entre dedans, à cause de ce fameux phénomène de spaghettification. Ouais. Quand vous plongez la tête la première vers un trou noir, votre tête est plus attirée par le trou noir que vos pieds, et donc vous allez vous allonger dans cette direction et rétrécir dans les deux autres. Ce phénomène-là se produit pour un trou noir géant, mais une fois que vous êtes dedans. Donc vous pouvez entrer, vous pouvez survivre à l'entrée dans le trou noir, mais une fois que vous êtes dedans, de toute façon... C'est ça, c'est ce qui se passerait avec M87, qui est super massif. Voilà, et donc c'est pour ça que dans le film Interstellar, effectivement, il est encore vivant au moment où il pénètre dans le trou noir. À vos côtés, Frédéric Gut et Vincent Piétu, astronomes tous les deux, chercheurs à l'IRAM, et donc l'Institut de Radioastronomie Millimétrique, qui a joué un rôle très important, Frédéric Gut, dans cette image. Vous nous dites pourquoi exactement ? Alors, donc cette image, elle a été obtenue en combinant les observations de 8 observatoires situé aux quatre coins de la planète. Donc on est en train de parler d'observatoires millimétriques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'observe pas la lumière optique, celle que notre œil peut voir, on n'observe pas de l'infrarouge, on observe des ondes radio, des micro-ondes à des longueurs d'onde de 1 millimètre. Donc le réseau regroupe quasiment l'ensemble des observatoires sur la planète qui peuvent observer à ces fréquences. Et l'IRAM, donc l'Institut de Radioastronomie Millimétrique, on possède 2 de ces observatoires. L'un qui est dans le sud de l'Espagne, une antenne de 30 mètres de diamètre. Près de Grenade. Près de Grenade, dans la Sierra Nevada. Et un autre qui est dans les Alpes françaises, dans le massif de Dévoluy, près de Gap, qui est en fait un réseau de 10 antennes, bientôt 12, parce qu'il y en a 2 autres qui sont en construction. Des antennes de 15 mètres de diamètre. Mais là, c'est surtout le télescope de Grenade qui a servi. Alors voilà, pour les observations qui ont été publiées hier, c'est le télescope de 30 mètres dans le sud de l'Espagne qui a été utilisé. Alors, comment ça s'est passé ? Racontez-nous, quand est-ce que le projet d'abord a commencé ? Cette idée de réunir tous ces télescopes sur les 4 continents pour réaliser peut-être un jour l'histoire d'un trou noir ? Et à partir de quand, véritablement, avez-vous obtenu l'image d'un trou noir ? Et avez-vous réuni toutes ces analyses pour en faire véritablement ce qu'on a vu hier ? Alors, c'est un projet qui a été en gestation et en discussion depuis au moins une dizaine, voire une quinzaine d'années, d'accord ? Qui a été formalisé seulement il y a 5 ans, d'accord. Mais avant, il y avait évidemment toute une série de tests, de validations essentiellement techniques, parce qu'on est en train de parler de technologies extrêmement complexes. Les observations de 2017 étaient les toutes premières où on a vraiment décidé, allez, on y va, on prend les 8 télescopes qui étaient disponibles à ce moment-là, on observe Sagittarius A et M87, donc les deux sources qu'on voulait observer. Et on regarde ce que ça donne. Et il se trouve que ça a marché. Voilà, une des grandes surprises de ce projet, c'est que ça a marché. Je vous cache pas que tout le monde pensait que ça serait une espèce de répétition générale qui permettrait de débugger le système et de trouver les différents problèmes à résoudre. Mais non, ça a marché la première fois. Vincent Piétu, il fallait des conditions très particulières pour observer justement un trou noir. Alors oui, alors l'ennemi pour observer à ces fréquences-là, c'est la vapeur d'eau. Donc c'est pour ça que tous ces sites déjà sont situés dans des endroits très reculés, donc soit en altitude sec, donc il faut que ça soit sec. Donc la vapeur d'eau elle est plutôt dans les basses couches de l'atmosphère. Donc il faut soit monter en altitude, soit aller dans des déserts, et le mieux c'est la combinaison des deux. Donc on a des sites qui sont au pôle sud, sur le plateau d'Atacama à 5000 mètres d'altitude. Au Chili. pour la Sierra Nevada, l'antenne de 30 mètres de l'IRAM est à 3000 mètres d'altitude. Pour les télescopes qui sont à Hawaï, ils sont au sommet de Mauna Kea à plus de 4000 mètres d'altitude. Ouais. Et malgré ça, il faut quand même du beau temps. Et là où on était particulièrement vernis, c'est qu'on a eu du temps excellent sur les 8 sites en même temps. Ouais. Ça, c'est absolument exceptionnel. Et c'est grâce à ça, à cette météo, on pourrait dire, hein, que vous avez pu aussi obtenir cette image. Ça fait partie du jeu. Ouais. En 2018, la météo était moins bonne, par absolument. Exemple. Absolument. Et donc, à suite, ce sont des algorithmes, hein, c'est ça, qui ont joué pour reconstituer tous les morceaux du puzzle et faire en sorte qu'on ait cette image. Comment il faut le alors, comprendre? Alors, vous avez déjà sauté une ou deux étapes. Hein, ouais. D'accord. C'est parce qu'il ne nous reste que 10 minutes. C'est pour ça. Première difficulté, c'est de prendre toutes les données et les emmener au même endroit. D'accord, parce que on est en train de parler de quantités de données qui sont tellement considérables que Internet, ça va pas marcher. C'est beaucoup plus rapide de prendre les disques durs et de les transporter pour aller à des endroits où les données après vont être combinées. Dans notre petit jargon, on parle de corrélateur, mais ça revient à combiner les données pour essayer de recréer une image telle qu'elle aurait été observée par un seul instrument gigantesque dont le diamètre correspond à la distance maximale entre deux antennes, donc ici quasiment le diamètre de la Terre, un tout petit peu moins. Ouais. Et ensuite on obtient une image, mais il y a toute une série de défauts dans cette image, des artefacts, donc il faut faire une correction de l'image. Donc là, comme disait Vincent tout à l'heure, il y a quatre équipes qui ont travaillé là-dessus pour utiliser des méthodes de reconstruction d'images différentes pour être sûr qu'il n'y avait pas un biais dû soit à la technique qui est utilisée, soit aux gens qui le font, qui peuvent avoir tendance à faire ceci ou cela. Et le fait que les quatre techniques différentes ont donné exactement la même image était évidemment un signe très fort que tout fonctionnait. Et quand Jacques nous dit cette image que nous avons vue hier du trou noir, est-elle dans le visible? Est-elle en vraie couleur? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Alors, si on va vraiment sur ce cliché, qu'est-ce qu'on peut lui dire, Vincent Piétu? Alors non, elle n'est pas en vraie couleur, donc c'est à une longueur d'onde de 1 mm, donc les ondes radio à 1 mm, et donc c'est des fausses couleurs qui représentent, plus c'est brillant, là, plus ça correspond à un pixel lumineux dans l'image. On parle de température de brillance, alors c'est pas la température physique du milieu, mais de plusieurs milliards de degrés. C'est extrêmement lumineux. Extrêmement lumineux. Très petit, mais extrêmement lumineux. C'est grâce à ça qu'on peut l'observer. C'est grâce à ça. L'objet moins brillant. Oui. Et encore un peu hors de portée. C'est hors de portée, tout à fait. Et pour compléter ce qu'avait dit Frédéric, il faut se rendre compte que la quantité de données qui a été accumulée sur les différents sites, ça représente 6 mètres cubes de disque dur. 6 mètres cubes, ouais. Voilà. Pour en arriver à cette image. C'est ça. Alors, parce qu'on a tous vu cette espèce de donut, hein, ce beignet orangé magnifique avec ce trou noir en son centre, et puis également une couleur beaucoup plus jaune entourant précisément ce cœur de trou noir. Comment il faut la décrire très justement, Frédéric Gude, cette image alors? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un trou noir, on ne peut pas l'observer directement, puisque par définition, il n'y a aucune lumière, aucun rayonnement, quelle que soit sa longueur d'onde, qui peut s'en échapper. Pour observer quelque chose, il faut quand même qu'il y ait un signal qui s'en échappe et qu'on puisse mesurer d'une manière ou d'une autre. Donc, on ne pourra jamais observer directement un trou noir. Donc, toute l'idée de cette observation, c'est d'essayer de l'observer par contraste sur un fond brillant. D'accord ? Alors, le terme qui a été utilisé, qu'on a retrouvé beaucoup, c'est qu'on observe l'ombre du trou noir. C'est un peu trompeur parce qu'il n'y a pas une source lumineuse extérieure qui projette une ombre. Mais bon, c'est le terme qui s'est un peu imposé. Ce serait peut-être plus correct de dire qu'on observe la silhouette du trou noir. C'est-à-dire que le trou noir, il est où exactement dans l'image par rapport à cette enrobé orangé? Voilà, donc sur l'image, le trou noir, c'est la partie centrale obscure qui est quasiment circulaire. C'est ça le trou noir, d'accord? C'est la zone de laquelle aucune lumière, aucune onde millimétrique ne nous parvient. La limite exacte de cette zone, c'est l'horizon, c'est ce qui s'appelle l'horizon du trou noir ou l'horizon des événements du trou noir, c'est la limite au-delà de laquelle plus rien ne peut ressortir. Et ces couleurs, donc autour, qu'est-ce qu'elles nous disent? Autour, on est en train d'observer la matière qui entoure le trou noir. Un trou noir est entouré de ce qu'on appelle un disque d'accrétion, c'est-à-dire de la matière. On est en train de parler de gaz extrêmement chaud, ionisé, donc ça s'appelle du plasma dans notre petit jargon, qui est plus ou moins sous une forme de disque, donc dans un plan, d'accord? Et c'est ça qu'on est en train d'observer. Par contre, on l'observe de manière très déformée, parce que le trou noir déforme l'espace-temps qui est autour de lui, et donc ça fait créer ce qu'on peut appeler des effets d'optique, donc on voit plus la chose sous forme de disque, on voit quelque chose de complètement déformé qui donne cette forme annulaire comme ça. Alors justement, Vincent Piétu, les internautes ont beaucoup ironisé sur le flou de l'image, parce qu'on ne pardonne rien aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux. Pourquoi cette image est-elle comme ça effectivement? C'est un problème de résolution? Ça va s'améliorer? On aura d'autres images plus précises dans l'avenir? Cette image est comme ça, c'est un problème de résolution. Il faut quand même mentionner pour tous les auditeurs mécontents que c'est l'image avec la plus haute résolution angulaire jamais obtenue en astronomie. On imagine que c'est celle que vous avez livrée, évidemment. Oui, non, mais toutes observations confondues. Alors, on a des pistes pour augmenter la résolution angulaire. Une des pistes, c'est d'aller à une longueur d'onde un peu plus courte, donc d'aller à 0,8 mm au lieu de 1,3 mm. On pourra avoir plus de détails et une image un peu plus nette. Ouais. Donc ça, ce sont des images qui vont arriver au fil du temps maintenant ou ça va demander encore beaucoup de travail? Comment est-ce qu'il faut envisager les mois et les années qui arrivent? Alors, il va y avoir évidemment de nouvelles observations, parce que ce résultat est suffisamment spectaculaire pour qu'on ait envie de le reproduire et de l'améliorer. Ouais. D'accord. Pour ça, on va avoir des nouvelles antennes qui vont rejoindre le réseau EHT. Mm-hmm. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, le fameux réseau de l'IRAM dans les Alpes, qui s'appelle Noema, et qui va vraiment booster la sensibilité du réseau. Donc on va avoir vraiment des choses beaucoup plus fines. Mmh. Et puis on va essayer d'augmenter la résolution angulaire, comme disait Vincent à l'instant. Ouais. Mais ça ne va pas se faire dans les 15 jours ni dans les 3 mois. On est en train de parler des quelques années qui viennent. Évidemment. Vincent Piétu, vous avez avec vous les 6 publications qui sont sorties dans Astrophysical Journal Letters. Qu'est-ce qu'elles nous disent du point de vue de la science, alors, finalement? Alors là, qu'est-ce qu'il faut retenir? Faites-nous une synthèse en 30 secondes de ce qu'il faut retenir de ces 6 publications. Et on observait l'image d'un trou noir qui est conforme à ce qu'on pouvait attendre. On a pu mesurer la taille de l'horizon des événements. Mmh. On a pu déduire le sens de rotation de la matière autour de ce trou noir. L'inclinaison aussi sous lequel on voit ce disque. Ouais. Donc dans le film Interstellar, pour ceux qui se souviennent, le disque, on le voit essentiellement par la tranche. Là, on le voit beaucoup plus de dessus, mais pas complètement. Et l'angle, l'écart par rapport à une vue de dessus, on peut le déterminer par l'imagerie. Ouais. Vous avez déjà eu le temps de lire toutes les publications, Alain, cette nuit? Rapidement. J'imagine rapidement. Ouais, la partie technique, c'est pas trop mon domaine, donc j'ai appris beaucoup de choses. On parlait du volume de données. C'est en 18 heures d'observation, combinées sur les 4 jours, l'expérience a récupéré 4 pétaoctets de données, c'est-à-dire 8 gigaoctets par seconde, par observatoire, pendant 18 heures. C'est considérable. Et c'était le prix à payer. Et d'ailleurs, ça, pendant longtemps, était la limite physique. On ne savait pas avoir du matériel qui enregistrait à ce rythme-là. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas pu faire ça avant. Enfin, c'est une des raisons, en tout cas. Finalement, c'était 4 jours, hein, c'est ça. Si on veut s'imaginer un peu comment a été réalisée cette image, c'était 4 jours où les télescopes ont pu braquer en même temps. Voilà, oui. Pas 4 jours à temps plein, d'accord, mais pendant 4 jours, 4 nuits en l'occurrence, les observations. Il y a 2 ans exactement. Ouais. Alors, il nous reste très peu de temps. Il y a beaucoup de questions des auditeurs. On va y répondre très rapidement. Guy demande, est-ce que votre technique d'imagerie pourrait être appliquée à d'autres objets comme les exoplanètes, par exemple? Alors, malheureusement, non, parce que ça, c'est une technique qui donne une résolution angulaire énorme, mais qui a besoin de sources extrêmement brillantes. Et les exoplanètes ne le sont pas. Robert nous demande, étant donné la distance qui nous sépare du trou noir, de quand date cette image que l'on voit, sachant la vitesse de la lumière? Qui veut répondre? Le trou noir est à 50 millions d'années-lumière, donc il a émis sa lumière il y a 50 millions d'années. Ouais. C'est très simple. Gaspard nous dit, l'image du trou noir a été obtenue à 60 degrés. Celle de Jean-Pierre Luminet était à 10 degrés. Pourriez-vous expliquer ce que cela signifie exactement? Qui veut le faire? C'est l'inclinaison sous lequel on voit le disque. Dans l'image de Jean-Pierre Luminet, on voyait à peu près le disque par la tranche, légèrement au-dessus. Là, on le voit beaucoup plus vu de dessus, ce qui est le hasard de notre situation par rapport à ce trou noir. Les trous noirs ont-ils une fin? Meurent-ils de la même façon que les étoiles? Demande Yann sur franceinter.fr. Alain Riazuelo toujours. Alors on peut considérer que les trous noirs sont des objets indestructibles puisque même les trous noirs les plus petits qu'on connaisse qui font quelques masses solaires ont une durée de vie qu'on peut estimer comme étant de 10 000 milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards d'années. Oui, bravo. Donc voilà, vous n'avez rien oublié. Un suivi de 67-0, donc pour toute application astrophysique, on peut considérer que ces objets sont totalement indestructibles. Ouais. Frédéric Gutt, François demande, est-ce que cette image vous a apporté des surprises, des questions, des confirmations quant aux simulations? Alors, c'est surtout le mot confirmation qui me vient à l'esprit, parce que comme ça a déjà été dit, c'est des images qui sont tout à fait conformes à ce que les simulations numériques et les modèles prédisaient. Alors ça a peut-être un côté un peu tristounet comme ça, peut-être oui. Certaines personnes auraient préféré qu'on découvre quelque chose de complètement différent, mais c'est aussi, comme il a été dit tout à l'heure, extrêmement satisfaisant de voir que la théorie de la relativité générale est correcte, pour autant qu'on puisse le juger avec ce type d'observation. Einstein toujours aussi solide. Quelle est l'étape d'après ? Ce sera la dernière question posée par Catherine sur le site de l'émission. Qui veut y répondre ? Avril 2020, nouvelles observations avec des nouvelles stations. Ouais, donc ça veut dire que il y aura encore un temps entre les observations évidemment et les résultats, hein, ce qu'on va nous livrer. Et oui. Mais avril 2020, c'est dans un an. Ça veut dire que vous allez encore redoubler de puissance. Ah oui, doubler peut-être pas, mais on va apporter des nouvelles capacités et on espère avoir du beau temps une fois de plus pour pouvoir progresser. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Frédéric Guth, Vincent Piétu, vous êtes, je le rappelle, co-signataire de ces publications qui viennent de paraître et bien sûr de cette image extraordinaire du premier trou noir de la galaxie M87. Alain Riazuelo, Les trous noirs à la poursuite de l'invisible, c'est chez Debec, c'est un livre que vous aviez publié, et puis Voyage au cœur d'un trou noir, ce film à regarder également sur YouTube. N'oubliez pas ce soir Léonard de Vinci sur France 5 dans Science Grand Format. On en avait parlé mardi, c'est un documentaire sur Léonard de Vinci, le scientifique, et Fabrice Drouel, Affaires Sensibles dans un instant. Les fake news et notamment Hillary Clinton qui se serait retrouvée à la tête d'un réseau pédophile pendant la campagne, c'est n'importe quoi, ce que je dis évidemment, mais c'est un fake news, il a existé, il a fait du mal comme d'autres fake news pendant cette période électorale. C'est dans un instant, merci beaucoup Philippe Duclos. À la technique aujourd'hui, France Inter, il est 15h.